Tudi, qui tient le quartier, qui fait le taudis. Je vais au Como, à fond boni. Là depuis tout à l'heure, tu m'as pris pour ta boniche. J'ai passé la nuit à Gomber, j'ai zonné. Regardez par la fenêtre, voir les avions voler. Sans savoir, t'as fait du mal, mais il le fallait. Aujourd'hui, tu regrettes tout seul au fond de ton palais. J'étais à terre, j'ai failli tout perdre. Et t'étais où quand j'avais des problèmes? J'ai que deux bras, je peux pas tout faire. Je suis en équipe, poto, on m'a j'ai tout fait. J'ai fait le plein, je zone en ville. J'ai fait mon pain, j'appelle l'asile. Ouais, tu fais quoi? On style dans les îles. On fume mon bois, on fait ça tranquille. Mais tout ouvert, on voit tes tutos, là t'es trop à découvert. Faut faire des marrons, je suis à découvert. Ça rentre à Marseille, le panneau est ouvert. Pour le Catano, je suis bien pour l'hiver. J'ai niqué la carte, j'ai pas pu l'encoder. Y'a un fils de pute qui a appelé les condés. Ce soir on fait hala, ouais la salle est bondée. Désolé nani, j'étais sur répondeur. J'ai fait le plein, je zone en ville. J'ai fait mon pain, j'appelle l'asile. Tu fais quoi? On style dans les îles. On fume mon bois. On fait ça tranquille. Wesh, tu fais quoi? On style dans les îles. On fume mon bois. On fait ça tranquille. J'ai démarché mon gang. Tu t'approches, on te bang. On a grandi dans le bang. On a grandi dans le bang. J'ai démarché mon gang. J'ai fait mon pain, j'appelle l'asile.